D'un point de vue du contexte dans lequel on vit aujourd'hui, il est plus rare pour la plupart des gens, en allant au travail, en travaillant, en rentrant du travail, d'expérimenter la peur au quotidien. Il y a un côté un peu agréable de venir stimuler une émotion qu'on ressent plus rarement aujourd'hui, mais dans le confort de notre canapé, on peut arrêter le truc, on sait que le danger finalement, il n'existe pas, c'est fictionnel, et ça nous fait un peu de piment, quoi. C'est une petite recherche de sensations.